Venez manger, venez manger. Où sont les Bibles? Où sont les Bibles? Où sont les Bibles? Où sont les Bibles? Frère Junior, oui. Tu sais quand même que ces gens de, je veux dire, dans ce genre de milieu-là, comme Ekans, les pasteurs sont quand même sont conscients de ce qu'ils font. Ils savent, ils savent. Ça, ils sont en train de, de prendre les armes. Ils savent, ils sont conscients. Franchement, ça m'étonnerait quand même qu'ils ne soient pas conscients. Parce que ça, c'est du faux à l'œil nu. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être même enfant de Dieu pour savoir que là, c'est du faux. Même les gens du monde vont comprendre. Comment il peut dire à quelqu'un que tu peux faire ta prostitution et continuer à servir Dieu? Tu peux demeurer dans ta prostitution. Ils ont ça en pleine prédication. Ils disent ça même. Il dit que parce qu'ils savent que les filles qui sont là-bas peuvent aller faire la prostitution pour amour, amour, de l'argent. Ouais. Il dit que personne n'a le droit de juger qui que ce soit. On laisse chacun. Si tu suis ça, tu vas suivre ça. Il dit que c'est donc. On n'a pas obligé d'embrasser tout le monde. C'est aimer ne veut pas dire embrasser tout le monde. Si quelqu'un ne te plaît pas, ne prends pas son amour. Bah non, non, pas. Donc, ne va pas. Tu n'as pas besoin de visiter. Vous savez souvent à l'église, c'est tout. Les gens disent Amen. Oui, les gens disent Amen. Donc, du coup, maintenant, il y a des groupes qui sont formés. Il y a un groupe qui aime le pasteur-ci et n'aime pas le pasteur-là. Il n'y a pas de prêche qui les dérange. Non, il y a un groupe. Si tu dis que le pasteur-ci l'a mis tout, et alors qu'ils sont tous à Sugar, il y a un groupe. Non, moi, je ne connais pas. Et parce qu'ils n'aiment pas. Qu'il n'aime pas. Il n'y a pas besoin de savoir. Mais quand ils dansent, on doit danser, c'est Iri. Iri, voilà. L'hypocrisie. Et il dit clairement que non, moi, je n'aime pas le pasteur-ci. Non, moi, je connais le pasteur-ci, je vais là-bas, mais moi, je ne veux pas chez ce type. Je ne veux pas la vie. Ils sont tes amis, non? Alors, c'est alors ici, on va travailler dans la Bible. Vous avez des questions? Si vous avez des questions à poser, vous posez. Voilà, en fait, c'est pas une question, je vais juste te rappeler ce que tu as dit dans l'enseignement. Oui. Sans t'a posé la question plusieurs fois dans l'enseignement que si on n'est pas, sauvé, oui, juste en prononçant la formule passe-partout, oui, de réception du Seigneur Jésus-Christ, si, oui, ce n'est pas ça le salut, ce n'est pas comme ça qu'on est sauvé, si on est sauvé par prédestination, comment alors être sûr de son salut? Plusieurs personnes t'ont posé cette question, tu as dit que la seule certitude qu'il faut, et la seule chose qui te permet d'être sûr, c'est le baptême du Saint-Esprit, authentique. Oui. Et si tu es baptisé, le Seigneur t'a scellé, tu lui appartiens. Oui. Voilà. Donc je voulais juste que tu confirmes ça. Donc, il n'y a pas autre façon de pouvoir. Prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux encore ici en Allemagne. Merci Père de gloire pour cette nuit merveilleuse que tu nous as donnée, malgré que nous ayons dormi tard. Tu nous as réveillés encore très tôt ce matin pour communier autour de ta parole. J'ai prié Père de gloire pour mes frères et les soeurs dans cette maison, Père de gloire. Tu nous as donné de vivre en famille. Chacun demande n'importe où, Père de gloire, mais aimant au Dieu de gloire la communion. Amen. Je prie au Dieu que tu donnes cette même communion à tous tes enfants, Père de gloire, dans le monde entier. Cette chaleur-là, cet amour intérieur est partagé qui a à vivre au Dieu de gloire ensemble et en invoquant ton nom dans la vérité. Merci Dieu de gloire de nous conduire maintenant dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, le problème qui se situe autour de cette question, c'est que les personnes, comme quand quelque chose est répétitif, malgré que c'est faux, les gens finissent par prendre ça comme étant vrai. Au point où on commence à se poser la question, okay, si on ne dit pas que Seigneur Jésus, je te donne ma vie, en dans mon cœur, comment est-ce que je suis qu'on a sauvé? Voilà. Bon, est-ce que tout le monde, en ce cas, tous ceux qui réussissent sont sauvés? Non. Voilà. Bon, c'est-à-dire que ce n'est pas le standard de la Bible là-bas. Mm-hmm. Quel est le standard de la Bible? La Bible nous enseigne qu'aucune prédication de la Bible n'a été sanctionnée par cette récitation. Aucune. Oui, on n'a jamais vu ça nulle part. Aucune, ouais. Je n'ai jamais vu ça. Alors, la Bible déclare, si la Bible ne déclare pas cela, comment donc ceux qui écoutaient la Bible savaient qu'ils étaient sauvés? Première prédication, combien de personnes ont cru? 3000. Comment l'apôtre Pierre pouvait savoir que les saints ont cru? Quand le baptême, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. Dans Actes chapitre 8, l'Église de Pierre a été prêché par Philippe. Ouais. Quand ils ont trouvé le rôle, le Saint-Esprit lui a dit, En fait, c'est le Saint-Esprit qui l'a transporté là-bas, dans son chariot, à côté de son chariot, et puis l'a amené le baptiser. Est-ce que l'Eunuque a dit, Seigneur, je donne ma vie, comment c'est, me sauver? Non. Okay. On continue. Dans un chapitre, enfin, toutes les prédications, dans un chapitre 17 fois-ci, chez Cornet. Cornet et sa famille ont-ils répété un style de prière? Non, mais ils ont quand même reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Dans la moisson, c'est qui sont sauvés. Avant de nous apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 17. Chapitre 17. Oui, on va le chapitre 17, quelques versets dans le chapitre 17, puis le chapitre 18. Avant de voir le thème, c'est ce dont le Seigneur nous donne de manger, il répond. Si vous avez des questions, et je vais à partir du verset 20. Bon, je veux dire, verset 16, hein? Mm-hmm. 16. Comme Paul, Actes chapitre 17, verset 16, vous tous vous y êtes. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Aujourd'hui, on a changé le mot idole, on a mis les monuments. Mm-hmm. Voilà, justement. Il s'entretenait donc dans la synagogue, et même, on a même érigé au monument, parce qu'on parle de il y a des monuments antiques où on met dans les musées. Donc, on a formé des gens, construit des maisons, aujourd'hui on appelle ça musée national. C'est-à-dire pour conserver les choses d'antiquité. Et la Bible appelle ça idole. Il faut plutôt détruire. Verset 17. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Vous avez les apôtres, non? Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Quand tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie, qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes de lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir comme des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur résistant des morts. Et vous avez vu comment ils sont les lignes, hein? C'est ce qui parle. Lorsqu'ils entendirent parler des résurrections des morts, les uns se moquaient et les autres disent nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Vous y êtes. Mais c'est un truc enfin. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Enfin, nous voyons effectivement, vous imaginez cela, lui étant quelque part sur une pierre où on l'a mis là-bas. Que, dis-nous, qu'est-ce que tu dis concrètement? Tu marches dans ce carrefour, si tu racontes les choses que tu veux. Il a commencé à dire ce qu'on a lu là. Avant qu'il ait fini, quand les gens entendent le réseau, ils ont dit que. Quand celui-ci sort de sa part, si. Or, quand ils disent cela, La prédication s'est arrêtée, la pause se retira de la même prédication. Mm-hmm. Mais le verset 34 dit ceci. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Dénis, l'Aréopagite, une femme nommée Damariste, et d'autres avec eux. Vous avez vu ça, hein? Ouais. Donc, elle a dit comme ça. Le petit discours qu'il a parlé là. Les gens ont raconté. Il a raconté ce qu'il a raconté là. Ça a attrapé le gars là-bas. Ça a toutefois dit que donnez votre vie au Seigneur. Oui, il n'a pas fini. Il n'a pas dit que celui qui a donné sa vie à la foule donne sa vie à Jésus. On dit qu'il s'est retiré. Donc, quand il est retiré, d'autres personnes commencent à le suivre. Ouais. Est-ce qu'il a dit si tu veux donner ta vie à Jésus, mets ta main sur la poitrine. Ferme tes yeux, envoie-le un œil ouvert en disant que Seigneur te donne ma vie aujourd'hui. Tu sais comment c'est mon sauveur. Il n'y a nulle part ici dit que quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur. Vous savez, l'évangile prêché avec puissance du Saint-Esprit, quel que soit le volet de l'évangile que quelqu'un va prêcher, par le Saint-Esprit, amène les croyants, amène les gens à la croyance. On appelle donc ça la parole de vérité. Mm-hmm. La Bible appelle ça ce qui amène les gens à la parole de vérité. C'est si l'apôtre Paul n'a pas préparé cela. Il n'a pas calqué son modèle de discours chaque fois qu'il avait prêché. À la fin, il avait dit que si vous ne devez pas vous trouver à Jésus-Christ, vous allez aller en enfer. Mm-hmm. Et après qu'il avait prêché, il avait dit que vous repensez de vos péchés, sinon vous allez mourir, aller en enfer. Il y a la place au paradis, il y a la place en enfer. Choisissez maintenant le paradis. Jusqu'à venir moi pour vous, là il y a la croix. Et c'est pas ça, ça ne se trouve pas nulle part. Lorsqu'il se trouve dans chaque circonstance qu'il va se retrouver, Dieu va faire de temps en temps que la parole pour cet instant-là soit là. Dans le chapitre 13, c'est l'aveuglement qui va donner par le Saint-Esprit sur les masses, qui va faire que le proconsul va croire. Vous voyez cela? Alors, chapitre 18, à partir du verset 4. À partir de là, l'apôtre Paul va quitter Athènes, il va aller à Corinthe, dans la ville de Grec toujours. La Bible déclare, verset 4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand cela, c'est Timothée, elle fut arrivé à de la Macédonie. Il s'est donné tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. En sortant de là, il entra chez un nommé Justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crut aussi et fut baptisé. Vous voyez ce qu'il en est? Dans les apôtres, disons, on va comment l'apôtre Paul Pierre parle dans. Je connais la Bible que lorsqu'il s'est mis à parler, dès qu'ils entendaient ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient l'évangile. Mm-hmm. Donc en clair, enfin, chacun doit savoir s'il est sauvé ou pas. On n'est pas sauvé par une conviction. On n'est pas sauvé par une connaissance. Par le fait que je crois que moi je suis sauvé. Non, ce n'est pas cela. Tu dois savoir en réalité que quelque chose s'est passé. Parce que ceux-ci savaient. Mm-hmm. Tu vois, parce que c'est par rapport à une croyance. Vous lisez Jean chapitre 8, vous allez voir effectivement que les gens avaient cru là-bas. Mais ils n'étaient pas sauvés. Ouais. Où est-ce là? Ouais. Donc tu peux croire que tu crois de la bonne façon qu'il faut croire. Voilà. Alors que tu crois, c'est qui est mensonge. Est-ce que c'est ce qui justifie le fait que même les mondains, enfin ceux que j'appelle mondains, ça veut dire ceux qui ne sont pas sauvés. Oui. Parce que croire ne fait pas de toi un sauvé. Oui. Alors est-ce que c'est ça qui justifie le fait que même les mondains parviennent à chasser les démons? Parce que la parole de Dieu dit que ceux qui auront cru chasseront les démons. Il n'a pas dit que ceux qui seront sauvés. Bon, voilà. En réalité, c'est aussi le problème. Le problème, c'est qu'après avoir dit cela, le Seigneur va réitérer sa parole au Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas tous qui peuvent chasser les démons. Mm-hmm. Parce que si tous doivent chasser les démons, ce même verset-là dit que tous imposer le même malade, ils seront guéris. Tous parleront en langue, ce mec qui a commencé à faire un cru. Donc, distinctement, dans le groupe, maintenant, le Saint-Esprit va venir répartir les tâches. Parce que dans Actes, dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible déclare tous parlent-ils en langue. La réponse est non. Non. Mais pourtant, on avait dit voici le meilleur qui a commencé à faire un cru. À un moment donné, ils parleront de nouvelles langues. Donc, on s'attend à ce que tout le monde parle. Ouais. Donc, en fait, le tout, là, c'est juste que Jésus a donné grosso modo un aperçu du ministère. Maintenant, dans 1 Corinthiens, dans Actes chapitre 2, verset 17, quand le Saint-Esprit descend, il dit voici ce qu'il a dit le Seigneur sur mes servants, sur mes serviteurs, je verserai mon esprit, ils prophétiseront. Mm-hmm. Tout le monde prophétise. Non. Voilà. Pourtant, tous ceux qui sont l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui prophétise dans d'autres personnes. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est un principe du groupe. C'est un principe de promesse. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Mm-hmm. Voilà. Dans Marc chapitre 16, ça ne veut pas dire que chaque personne qui croit peut chasser le démon. Ouais. Si chaque personne qui croit peut chasser le démon, ça veut dire que chaque personne qui croit doit parler aussi la langue. Mm-hmm. Or, manifestement, la Bible dit que tout le monde ne peut pas parler la langue, même s'il croit. Ouais. Effectivement. Voilà. Alors, en quelque sorte, lisons 1 Corinthiens chapitre 15, là. 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, il est temps qu'on revienne à l'ordre avec la chose de Dieu, c'est-à-dire, oh mon Dieu, puis je sais que je suis venu vexé. Donc, en fait, le vrai problème se trouve au niveau des prédicateurs, même pour commencer. Mm-hmm. Parce que si c'est les prédicateurs qui doivent prêcher la parole de vérité avant que les gens croient, il faut vraiment, il faut que les prédicateurs soient d'abord du Seigneur. Chapitre 15. Mm-hmm. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Et dans Actes des Apôtres, on a vu que Paul est resté à Corinthe, mm-hmm. de telle sorte que les gens ont cru. Mm-hmm. Et ici, il écrit aux Corinthiens. Il dit comment ils ont été sauvés. Mm-hmm. Donc, je recommence encore. Actes des Apôtres nous raconte comme ça comment les apôtres agissaient. On a vu dans le chapitre 17 comment il a quitté Athènes pour Corinthe. Mm-hmm. Et il a dû aller à Corinthe, il a prêché, on a dit que Crispus et sa famille crurent et beaucoup d'autres personnes à Corinthe crurent. Ouais. Ici, à Corinthe, donc, il allait écrire aux Corinthiens pour les rappeler comment ils ont cru. Mm-hmm. Chapitre 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, selon qu'on a vu la hase pour là tout à l'heure. Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc, quand ils parlaient comme ça, là, c'est pas ça qu'ils sont sauvés. Ouais. Si vous le retenez tant que je vous ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc, tu as vu ça? Autrement, vous l'aurez cru en vain. Donc tu peux croire, ou bien tu peux croire pour un temps, comme Jésus a dit. Ouais. Dans la parabole des quatre, c'est les quatre terres. Il a dit qu'il y a ces personnes qui croient pour un temps. Mm-hmm. Ils ne portent pas de fruits en maturité. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mm-hmm. Donc il y a un cœur, un site de pion, il dit que la ronde de sel semble à une semence où quelqu'un sort. D'autres semences tombent sur la route, d'autres tombent sur les endroits pires, d'autres tombent là où il y a les épines, mm-hmm. d'autres tombent sur la bonne terre. Vous vous souvenez de cette semence là, de cette parabole? Oui. Déclare donc, verset 3. Je vais arriver. Le verset 1, 2, 3 et 4, c'est parler des choses différentes. Mm-hmm. Maintenant, je vais entrer dans les détails que le Seigneur sait lui-même, sait pourquoi il a mis là-bas, pour que vous remarquiez maintenant. D'accord. Au verset 1, il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. On annonce l'évangile. Oui. Et veut que vous prenez attention à ce que le Saint-Esprit va dire maintenant. L'évangile, on l'annonce. Mm-hmm. Et l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Mm-hmm. On annonce la bonne nouvelle. Mm-hmm. Le verset, il dit que c'est ça que les gens doivent croire. C'est qu'on annonce, on doit croire. Il dit que c'est pas ça qu'ils sont sauvés. Mais le verset 3, il change de langage. Verset 3, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Donc l'apôtre Paul a été enseigné lui aussi. Mm-hmm. Il lui a été enseigné par le Seigneur parce qu'il dit dans Galates que son enseignement ne vient pas d'un homme. Ouais. Maintenant, écoutez très attentivement maintenant. Les gens qui ont reçu l'évangile, comme il a dit, parce qu'il a dit que j'ai annoncé l'évangile, vous avez reçu et vous avez été sauvés par cela. Mm-hmm. Quand ils ont reçu l'évangile, ils ont été sauvés. Il leur enseigne maintenant verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a annoncé l'évangile, ils ont cru. Il a annoncé que Christ est mort pour vos péchés. Ah, donc il y a l'annonce de l'évangile. Mm-hmm. Il y a l'enseignement lui pour assimiler, mm-hmm. pour grandir, pour qu'on puisse avoir la fondation. Donc, il a annoncé, ils ont été sauvés, oui. Mais ils ont cru. C'est deux choses différentes. Ils ont cru à cet évangile, par conséquent, ils ont été sauvés. D'accord. Et là, maintenant, je suis allé parler. Regardez bien le mot dans l'évangile. Là, il y a l'annonce. Oui. Puis il y a enseigné. Il y a enseigné. Mm-hmm. Justement. Parce qu'on enseigne à ceux qui ont cru. Oui. Vous voyez. Mm-hmm. Il dit qu'il a été enseigné et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Cephas puis aux douze. Là, on peut nous faire état qu'il a prêché l'évangile. Vous voyez, mm-hmm. Donc quelqu'un n'a pas besoin de comprendre que Christ est resté le troisième jour physique ici normalement pour être sauvé. Ouais. Justement, ouais. En fait, l'acte du salut, c'est un acte qui est opéré par Dieu. Parce que Jésus prêchait l'évangile, les gens croyaient, il était encore sur place. Mm-hmm. Jean-Baptiste prêchait l'évangile et les gens croyaient, alors que Jésus n'était pas encore entré en scène. Il préparait le peuple, le cœur du peuple pour qu'il reçoive Christ. Dans Jean, dans Marc, chapitre 1, verset 14 à 15, on dit dès ce moment jusqu'à a commencé à prêcher en disant que répandez-vous, le royaume de Dieu est proche. Les gens croyaient en lui. Ouais. Pourtant, il était vivant. Il dit ce que vous annoncez, l'apôtre Paul a dit ce que vous annoncez, ce que vous révélez sans connaître, c'est ce que j'annonce. Il dit que Dieu, après, il dit qu'il a fixé dans le un homme qu'on appelle Jésus. Donc, il faut croire en lui. La chose est dangereuse au point où Dieu a ramené ça au plus bas niveau pour que tout le monde puisse avoir accès au point où ça ferme plutôt les portes aux gens. Parce qu'on disait clairement que courir toute la ville de Stuttgart ou bien courir d'ici jusqu'à Munich pour être sauvé, tout le monde va tirer. Oui. Il a mis ça seulement qu'il suffit de regarder comme ça. Croire que Christ est véritablement venu pour moi. C'est pour toi. Quand tu crois ça, tu es pour toi. Tu crois ce que l'écriture dit de lui. C'est pour toi. Ils ont dit que mince. Simplement comme ça, oui, simplement comme ça. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Alors nous voyons ici donc comment les Corinthiens étaient sauvés. Et la Bible déclare à Actes chapitre 18 qu'on a lu là-bas que Christ a, il a prêché, et donc, il a prêché dans la synagogue. Et il y a le chef de la synagogue qui était assis à l'intérieur, avec sa famille certainement, Crispus. Il était cherché à persuader les Juifs. A persuadé les Juifs que Jésus était le Christ. Que Jésus, comme vous voyez là, c'est lui le Christ dont la Bible parle. Ceux qui croient, ils étaient sauvés. On l'a chassé de la synagogue. Il a dit, ok, je suis plus de votre sang. Elle est sortie. Christ peut venir avec sa famille. Dit, non, c'est vrai ce que tu dis. Ils ont cru. Ils ont été baptisés. La conséquence, l'apôtre Paul, c'est sauvé. Voilà maintenant le don spirituel qui s'est manifesté dans l'église correcte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une question. Oui, la deuxième question, c'est toujours dans l'un des enseignements. Tu as dit que l'enfer n'est pas éternel. Oui. Voilà. C'est vrai que... ça t'a semblé bizarre. Quand oui, ça m'a semblé bizarre. Mmh. Après, j'ai suivi tes explications et tout. Mmh. Tu sais, c'est toujours logique quand on va en profondeur. Mmh. Mais quand tu écoutes superficiellement, ça te semble... Pourquoi que ça, celui-ci, ça va, il y a celui-là aussi. Non, je sais. Voilà, tu connais ce que c'est que l'enfer. Tu as entendu parler de l'enfer dans la Bible et tout. Mmh. Voilà, tu sais que l'enfer... va s'arrêter à un moment donné ou bien tu penses que l'enfer ce sera pour toujours pendant que les gens vont vivre éternellement au paradis, ceux qui seront en enfer vont également brûler éternellement, c'est ce que tu penses? Oui, c'est ce que je pense. Et toi, c'est la même chose? Oui, je pense. Voilà. Vous battez comme ça ou alors? C'est la Bible qui dit, mon frère. On lui dit, eh, pense ça. Moi, je trouve ça dans mon imagination, dans ma façon de penser. Donc, j'ai pas vu. En fait, la question... Tu pensais que c'est comme ça, non? Oui, moi, je pensais que c'était comme ça. Oui, mais explique-le maintenant, explique-nous aussi maintenant comment cela se passe. Voilà, donc alors, avant de poser la question, pourquoi vous dites? Oui, en fait, ça se passe comment? Tu sais, cette vertu, je veux dire, cette possibilité, cette capacité de vivre éternellement, seul Dieu la détient. Parce que Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et justement, cette capacité, c'est Dieu qui la donne à ceux-là qui sont pour lui, enfin ceux-là qu'il a racheté, qu'il a sauvé. C'est ceux-là donc qui vont recevoir la possibilité de vivre éternellement. D'accord? Voilà. L'enfer maintenant ne peut pas être éternel parce que là-bas il n'y aura rien de Dieu, il n'y aura pas cette vertu de Dieu dans l'enfer. Tu vois? C'est vrai que dans la parole de Dieu, il a parlé pour des siècles, des siècles. Mais il n'a pas dit pour l'éternité. C'est ce que les gens ont, c'est l'interprétation que les gens ont faite. Qui est mauvais, c'est qu'il n'a jamais dit vous allez brûler éternellement. Quand il dit vous allez périr éternellement, ça veut dire que vous allez disparaître éternellement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc pour des siècles et des siècles, c'est vraiment long, mais c'est Dieu seul sait, c'est Dieu seul qui sait justement ce que, c'est qu'est cet intervalle. C'est lui seul qui peut nous dire, ou bien qui sait quel intervalle il a placé là-bas. Si ça va aller de 1 jour à 10 jours, ou alors d'un an à 10 ans, ou alors d'un an à 1000 ans. Mais toujours est-il qu'il y aura une fin. Ces personnes-là vont périr, on en parlera plus. D'accord? Voilà. Donc, en fait, ce qui m'amène à poser la question, à moins que tu aies quelque chose à dire. Non, ça va, si c'est à eux de susciter la question, parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible, ce que tu as dit. Alors, maintenant, ma question, c'est que, tu vois, c'est vrai qu'il y a un temps où les gens vont brûler et par conséquent souffrir d'abord avant de mourir, avant de périr définitivement, d'être consumés. Donc ils vont d'abord souffrir atrocement, ça c'est clair. Mais il y a des personnes qui vont dire que je sais que je vais souffrir, mais ça pour un temps, puis je vais disparaître. Alors à quoi bon chercher à être sauvé maintenant? Je vis ma vie comme je veux. Mais c'est son problème, frère, que tu ne peux pas l'empêcher de faire. S'il veut se séparer, c'est pour ça qu'il est libre de le faire. Là, celui-là, je ne le conseille même pas. Je lui dis tout simplement qu'il avance jusqu'à ce qu'il est libre à fond. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que si c'est pas exactement comme les gens ont toujours pensé, c'est comme ça, toujours été dans l'imaginaire des gens. Donc, est-ce pour autant pour dire à quelqu'un pour effrayer les gens? Oui, il n'est pas dissuasif. Il faut dire ce que la Bible dit. Ouais. Il faut dire que, ok, dans ce cas, parce qu'on va utiliser l'effet dissuasif pour dire à quelqu'un que ça, tu vas brûler éternellement, ça ne doit, le feu ne doit jamais s'éteindre, toi tu veux continuer à souffrir. Ouais. Donc il dit, dans ce cas, il faut qu'il soit sauvé. Alors dans ce cas, est-ce qu'il sera sauvé pour autant? Non, il ne sera pas sauvé, mais sa peine sera au moins réduite. Mmh. Ouais, je m'explique. Mmh. Je m'explique. Je sais que c'est, je sais pas si c'est exactement ça, c'est toi qui vas me dire, c'est une question que je voulais également te poser, parce que la parole de Dieu dit que pour à ceux qui ont reçu plus, il sera demandé plus. Oui. Et il dit que Sodome et Gomorrhe seront punis moins durement par rapport à ceci. Par rapport à ceci. Mmh. Ça veut dire que Dieu a n'est-ce pas, prévu des mesures différentes de souffrance dans l'enfer. Oui. Voilà. Donc, même si tu n'es pas sauvé, oui. Il ne faut pas rire ce que je vais te dire. Hein, parce que quand j'ai compris que la prédestination existe, quand j'ai compris que c'est comme ça, c'est biblique, j'ai compris que ce n'est pas de mon propre gré ou bien de mon propre chef que je serai sauvé. J'ai dit au Seigneur que, voilà, si tu m'as sauvé, je dis merci Seigneur. Si ce n'est pas le cas, si je ne t'appartiens pas, je lui ai dit cette prière. Hein. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas rire. Voilà, je lui ai dit si ce n'est pas le cas. Je parle de rire. Si ce n'est pas le cas, Seigneur, réduis au moins mes peines. C'est un peu une paraphrase en fait, parce que c'est la Bible, c'est biblique ce que j'ai dit. Oui. D'accord? Donc, parce que la parole de Dieu dit que à ceux dont il a été donné plus, il sera demandé plus. Et là, également, dit que Sodome et Gomorrhe sera puni moins durement que la génération présente. D'accord? Ça veut dire que si celui-là, justement, il sait que l'enfer est éternel, enfin, si l'enfer est éternel, ça va être dissuasif. Mmh. En ce sens que ça va l'amener au moins à chercher à faire la volonté de Dieu par cette fois, par sa propre force. Oui, et jusqu'à la finition, ce serait où? En enfer. Mais sans doute, tu parles en enfer ou tu parles pas en enfer. Tu parles en enfer. Pas en enfer avec une peine réduite. C'est seulement tu connais justement comment il va réduire les peines. Oui, mais quel qu'en soit le cas, il sera toujours là-bas parce que ça, en fait, parce que Dieu veut ceux qui vont faire sa volonté de façon parfaite. Ouais. Quand tu fais un peu, bon, tu fais pas. Parce que la Bible déclare par exemple nul impuni entrera. Dans la voie, c'est nul impuni entrera. Et là, tu dis. Si quelqu'un sache que c'est éternel, il va dire que non. Comme je me livrais trois avec les femmes mouillées, je me case avec deux filles. Non, il va me chercher à faire toute la volonté de Dieu comme il peut. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu comprends, si pas. Tu comprends donc que Dieu doit venir vers l'homme, n'est-ce pas? Ouais. Il dit, nul ne peut s'approcher de lui si le Père qui l'a envoyé n'est la tille. On peut faire autrement. Donc, de toute façon, que quelqu'un soit un message du service par rapport à l'enfer pour que les personnes puissent avoir peur. Le message de l'enfer n'effraie pas. Le message de l'enfer, même si ça t'effraie. Ça t'effraie. Ouais, c'est clair. Comment l'enfer n'effraie pas? Le message de l'enfer n'effraie pas, ça effraie ceux qui périssent. Ceux qui sont sauvés rendent grâce à Dieu plutôt pour cela. Oui. Parce qu'en réalité, connaissant la réalité, ce qui se passe là-bas, tu imagines seulement, ici, je vois en Europe, lorsque, voilà l'été qui va commencer bientôt. Avant même l'été, le soleil, la chaleur monte via 34-35 degrés. Ouais. Les gens vont commencer à en souffrir ici en Europe par rapport à tout ce qui va arriver. Ouais. Si le soleil monte à 35, 40 degrés. Ouais. On appelle ça canicule. Canicule, oui. Mais là, si le soleil baisse d'un degré pour vers la terre, on va appeler ça quoi? Si le soleil baisse d'un degré en s'approchant de la terre. C'est de la canicule. Alors, ça, multiplié par donc des millions, ouais. Ça n'atteint pas le petit chaleur de l'enfer. Justement. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Il n'y a pas de petit souffle. Voilà. Non. Si le Seigneur dit qu'il y a, il y a. Non, non, attends, le problème, c'est si tu vas dans une prison, on dit que prison pour mineur, prison pour majeur, prison, tu es en prison, tu peux en prison. Tu es en prison. On a dit que tu as une punition, mais punition, c'est punition. Ouais. Oui. Voilà, la dernière question qui est prête pour sa saison. Alors, il est écrit dans Hébreux 6:4. Oui. J'ai parcouru tes enseignements, je n'ai pas. Je sais pas. Et si pourtant, j'en ai parlé plusieurs fois. Oui, mais tu as dit, tu as parlé, mais c'est pas. Je crois qu'il veut revenir sur cela. Ouais. Ça, c'est prévu pour le Maroc. D'accord. Donc, c'est dans la deuxième partie, des peut-on perdre le salut. Ouais. C'est ici dont nous allons partir. Voilà. Voilà. Mais on veut quand même les prêts. Les prêts avant vous, quoi. Oui. Donc, Hébreux 6:4. Oui. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu. Il l'expose à l'ignominie. Oui. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il a dit qu'ils ont pris part au Saint-Esprit. Oui. Je ne sais pas si c'est une manière de dire qu'ils ont été scellés par le Saint-Esprit. Non, non, ce n'est pas possible. Ils ne sont pas scellés. Quand il a dit qu'ils ont eu part au Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'ils ont été au Saint-Esprit. Bah, si c'est scellé, c'est autre chose. Non, c'est voilà. Parce que ceux qui sont scellés ne peuvent pas tomber, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas aller en enfer. Voilà. Alors, ça veut donc dire que... Ça veut donc dire que... Cinq choses sont mentionnées là-bas, oui. Oui. Oui. Alors, quelle est la question? La question c'est... Parce qu'en fait, a priori, lorsqu'on lit cela, on va pas présenter quelqu'un qui a reçu le... Qui a cru, avec le Saint-Esprit, avec le miracle, peut tomber et aller à l'enfer. Oui. C'est ce que ça semble dire, n'est-ce pas? Oui. Il y a des brèches dans la Bible, où il y a ce qu'on appelle souvent les hurdles, les pierres d'achoppement. Dans toutes les doctrines de la Bible, ça se trouve. Il y a des pierres que Dieu lui-même a placées comme ça pour faire heurter les gens. Voilà. Comme par exemple, prenons le cas du baptême. Et je crois que dans l'enseignement, je parlais de ces choses-ci. Mm-hmm. Dans le cas du baptême, par exemple, si tu vois, vous allez remarquer que, justement, comme on parle, il y a la pile d'achoppement par rapport au Père, Fils, Saint-Esprit. Ouais. C'est écrit là-bas. Pourquoi Saint-Esprit ne peut pas dire que repentez-vous, que allez prêcher la bonne nouvelle et baptisez au nom du Seigneur Jésus. C'est aussi simple de dire ça comme ça. Oui, oui. Parce qu'on avait dit comme ça, il avait baptisé son Jésus, il n'y aurait pas de discussion aujourd'hui. Pourquoi il dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, les disciples baptisent et de façon unanime au nom du Seigneur Jésus? Pierre d'achoppement, numéro 1. Ouais. Tu as vu cela? Mm-hmm. Ok. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre autorité sur l'homme. Après, il met une pierre d'achoppement. On dit qu'il y avait un juif qui était éloquent, on l'appelait Apollos. Mm-hmm. Et puis maintenant, il y avait Priscille et Aquila. Il le prie chez l'homme et le conduisit. Ouais, le plus exactement dans la voie du Seigneur, on dit il, c'est-à-dire le couple. Mm-hmm. Alors quand quelqu'un lit cela, on va rappeler le jugement, il dit, ok, dans ces cas, ça veut dire que le couple là, sa femme aussi a enseigné cet homme-là. Mm-hmm. Pourtant, il y a un verset qui dit encore qu'il ne peut pas avoir enseigné, même pas une fois, deux fois, et même d'après le principe. Ouais, vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas? Ouais. Alors on commence à poser des questions. Il y en a plein comme ça dans la Bible. J'avais dit qu'il veut parler des pierres d'achoppement dans la Bible. Mm-hmm. Voilà les pierres d'achoppement. Dans le voile aussi, il y a une pierre. Comment? Dans le par rapport au voile. Oui, par voilà. Tu dis 1 Corinthiens 11, on nous parle des chevilles. Après, au verset 15, il avait dit que la chevelure lui a donné notre pouvoir. Tu dis, alors, quelqu'un vient, il s'assoit là-bas, la communauté lui a donné comme voile. Quand quelqu'un a dit que voici juste qui a dit, voici juste qui a dit que, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, je fais comme il a dit. Ouais. L'autre dit que, voici la couverture, la chevelure lui a donné comme voile. Alors, mes chevilles sont donnés comme voile. Mm-hmm. Pourtant, il y a des choses qui sont dites là-bas. Pierre d'achoppement. Ouais. Des pierres d'achoppement. Vous voyez? Alors, voilà, si tu lis 1 Corinthiens, s'il n'y a pas de verset 15, il n'y aurait pas de problème. Ouais. Mais après, on met ces versets-là. Tu lis Actes des Apôtres, tu vas voir plus. Si tu n'as pas mis cela, il n'y aurait pas de discussion. Mm-hmm. Pourquoi le Saint-Esprit met cela? Voici, je place en Sion une pierre choisie et précieuse devant Dieu. C'est que beaucoup ça heurte les gens. Amen. Amen. Je vais parler des pierres d'achoppement. Des pierres d'achoppement. C'est plein dans la Bible comme ça. Ouais. Plein dans la Bible. Bon, s'il te plaît, décris-moi cette personne-là. Oui. Cette personne qui ont goûté. Non, c'est que décrit, par les au Maroc. Mais pour l'instant, sache donc, lis le verset suivant, là où tu t'es arrêté, lis. Après, il y a une parabole qui dit maintenant. Là. Lorsqu'une terre oui. est abreuvée mmh. par la pluie, oui. tombe souvent sur elle, oui. et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, oui. elle participe à la bénédiction de Dieu. Oui. Mais. Si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Qu'est-ce qu'il avait fait? On parle de quoi là? Subitement, il a fini de dire ça, il donne cette parabole. Alors, explique-moi ce qu'on a dit. Mais il parle de ceux-là qui sont destinés. Non, c'est pas ça. Lis doucement. Lis bien doucement encore. Oui, il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Oui. Mais. Si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Allons-y, qu'est-ce de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que tu as déjà vu ce verset-là? Oui, j'ai déjà vu, mais... Tu avais lu, tu as traversé, n'est-ce pas? Oui. La clé d'esprit et la rose se trouve là-bas. Puisque tu as dit qu'ils ont goûté au don céleste, n'est-ce pas? Oui. Et donc, on n'a eu pas au Saint-Esprit. Je comprends à peu près. Voilà. Ça veut dire qu'on peut perdre le salut. Non, ça va rien. Non, ça veut dire que c'est en fait une autre façon de reformuler la parabole du semeur. Parce que quand le Seigneur prêche, enfin, quand l'évangile sort, elle annonce à tout le monde. Mm-hmm. D'accord? Ceux-là qui appartiennent au Seigneur, les fruits du Seigneur la reçoivent et sont sauvés. Et ceux-là qui ne sont pas du Seigneur la reçoivent, mais ne produisent rien. Tu tu vois. Mmh. Et c'est justement, je comprends déjà le premier truc. Il va avancer maintenant pour que tu puisses saisir. Dans 1 Jean chapitre 2, nous avons lu ça plusieurs fois, au verset 18. Mais tu es quand même d'accord que c'est une autre formulation de Jésus? Absolument, absolument, mais encore plus profond. D'accord. Lorsque dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, nous avons lu ça plusieurs fois, la Bible déclare, petits enfants, c'est la dernière heure. Mmh. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists dans le monde. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mmh. La question c'est comment ils étaient entrés. Pas de la bonne façon. Ils n'ont pas été, incorporés dans la bergerie par le berger. Mmh. Ils sont venus bon, de leur propre. Au moins, supposons qu'il ait duré 30 ans, 20 ans, avant de sortir. Mmh. Pendant ce temps-là, il faisait quoi au milieu? Bon, il bénéficiait de l'enseignement, il recevait tout ce qu'il recevait, mais ça ne produisait rien. Produisait plutôt des chardons. Là, on ne parle même pas des chrétiens dans ces versets. Ouais. On parle des ténors, les têtes, ceux qui apportent l'évangile. Comment c'était entré? Et quand ils enseignaient, les choses ne se manifestaient pas. Qui enseignait-il? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit les mette hors d'état de nuit pour séparer le vrai de l'ivraie. Mm-hmm. Et que là, on dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. L'apôtre Paul parle de ça, l'apôtre Jean parle, l'apôtre Pierre parle, il ne parle pas de simples chrétiens. Parce que chaque fois on va dire, prenez garde à vous-même, car quand il appelle les anciens, il dit qu'il célébrait du milieu de vous. Mm-hmm. Il ne parle pas des chrétiens, du milieu des anciens. Donc, il y a des grands, des anciens qui vont se sortir. Que, c'est pas ça. L'apôtre hein? Pierre, Paul, Pierre dit dans 2 Pierre qu'on a lu également, il dit qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs. Mm-hmm. C'est pas ça. Hein? C'est ça. C'est pas des simples chrétiens. Alors je pose la question. Les docteurs ont enseigné. Où ils avaient la spéculation dans les Écritures, décortiquaient les Écritures. Qu'est-ce qui les poussait? Ils disent des révélations même sur les versets grecs, briques, ainsi sur hébraïques, qu'ils ont fait des recherches, des théologies et autres là-bas. Jusqu'à ce qu'ils démontrent, les gens disent, comme hier dans la nuit, tu as montré effectivement comment quelqu'un dit quelque chose, on a transporté sur la chaise. D'où ça venait? De Satan. Non, je ne dirais pas de Satan. Pourquoi ça doit venir seulement de Satan? C'est ce que Hébreux chapitre 4, 6, verset 5, là, il dit. Donc, on va revenir ici au Maroc. On va entrer là-dedans. C'est pour les Marocains. C'est donc, pour les Marocains. J'attends impatiemment dans l'enseignement du Maroc. Ouais. Des questions? Quand vous méditez sur la pluie qui tombe sur la terre, souvent, et un aspect de la terre, quelque chose, on dit que c'est à la terre les produits, soit des semences. Mais c'est pour lui, le chardon. Il est réprouvé. Tu sais, ce verset-ci, ce verset-ci fait qu'à la vraie église, ils appellent ça, comment ils appellent ça? Ils ont un nom qui donne au fait de te remettre, de te mettre au dernier banc. Excommunié. Excommunié, voilà. Oui. En fait, même pas seulement excommunié, à la vraie église, il y a un péché, si tu commets. Tu es radié. Tu es radié, tu n'es même plus considéré comme frère. Si tu forniques, ou bien si tu commets l'adultère. Oui, et les dirigeants qui le font, ils font comment? Non, je t'ai dit la dernière fois, tu ne te rappelles pas que les dirigeants n'exposent jamais leur péché. Tu ne vas jamais venir voir un dirigeant se mettre devant. Parce qu'en fait, la règle de le règlement de la vraie église, c'est quoi? C'est que quand tu pêches, tu viens, tu te lèves au sein de l'assemblée, de toi-même, et tu dis ce que tu as fait. Voilà, à partir de là, maintenant, ils prennent leur décision. Oui. Et on a fait ça beaucoup de personnes comme ça. Tout le monde. Moi également, je confessais mes péchés. Le problème, c'est que c'est une pression psychologique. Oui. Tu sais que quand tu viens à l'église, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église avec leurs problèmes personnels. Or, ils ont un règlement intérieur. Oui, ils ont un règlement intérieur de la vraie église consigné dans un livre que tout le monde doit lire. En fait. Mais c'est valable pour tout le monde, c'est forcément pour les chrétiens, sauf les dirigeants. C'est valable pour tout le monde, même les dirigeants. Mais le problème, c'est que. Les gens ne font jamais. Voilà. En fait, c'est quoi? C'est que, tu vois, la prédication dit que il n'y a rien de caché qui ne sera mis en lumière. Et quand tu sais que tu as des problèmes, on te dit tout le temps que c'est à cause justement de la vie d'un chrétien que les problèmes surgissent et tout. Et pour te libérer, il faut que tu te confesses. Et toi, tu es habitué à comprendre, qu'il faut, pour la seule bonne confession devant Dieu, c'est que tu le fasses devant tout le monde. Ils appuient ça avec certains versets, je ne sais pas, je ne me rappelle plus les versets qu'ils donnent. Donc ça fait que tu as cette pression psychologique t'emmène. Comme ça, même sans que personne ne te dise quoi que ce soit, de venir aller devant. Comme ça, oui, soit tu vas devant, soit tu te lèves d'où tu es, et les gens sont calmes. Pendant que les gens sont en train de prier, ou bien pendant que le prédicateur est en train de prêcher, tu dis, Seigneur, je me répands devant toi. Parce que hier, je suis sorti avec des amis et je me suis arrêté en carrefour, on a pris la bière. Et quand je rentrais, j'ai trouvé une fille. Tu dis tout. Tu vois, à la fin, le pasteur, si c'est pas grave, si c'est pas grave, le pasteur te laisse, tu t'assois. À la fin, tu peux peut-être, il peut parler avec toi. Mais si c'est grave, le pasteur te dit, va au dernier banc, frère. Maintenant, avec le recul, avant de dire comment tu es sorti, quelle est la conséquence de cela? La conséquence de cela est que ça frustre les gens. Les gens ont peur. Les gens, ça dit que les gens, il y a plusieurs personnes qui vivent dans l'hypocrisie. Ils pêchent, ils ne disent pas. Ils ne peuvent même pas confesser même à Dieu à la maison parce qu'ils savent que la seule confession qui est valable, c'est à l'église. On savait qu'ils continuent dans leur péché sans se répentir à la maison, sans confesser et tout et tout. Voilà. Donc ça crée une vie d'hypocrite terrible. Et ça fait qu'on a aussi la crainte de l'homme. Il y a des gens qu'on a excommunés comme ça. Plusieurs. Et ces personnes, quand tu les excommunies, ils deviennent alors même les pourfendeurs de la vraie église terrible, selon mon frère. Il y a même un autre ici dans le net qui écrit ça tout le temps. Il passe son temps, n'est-ce pas, à pourfendre. Parce que ça dit qu'il frustre les gens là-bas. Tu vois, il frustre les gens terriblement. Alors, la religion, c'est vraiment le jour. N'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ a appelé à la liberté, au repos. Voilà, donc en fait, c'était pour dire que, il se base sur ce verset-là, pour dire que quand tu pêches, et surtout ce péché sexuel-là, on ne peut plus rien faire pour toi. Raison pour laquelle il faut seulement que tu partes de l'église, tu sors. Tu ne sais pas, on va continuer le sexe. Et dans ce cas, la personne peut sortir en croyant qu'il n'a plus rien, il n'y a plus de rédemption, mais pas pour continuer dans le sexe. Voilà, pas continuer justement dans le sexe. Ça s'est passé dans notre église. Donc, à Yonde, j'étais dans un groupe de Coran, une église évangélique. Oui. Dans le vice-président, Jérôme, et avec la chargée spirituelle, comment ça s'appelle, Lucie. Oui. Bon, ça veut dire que Lucie devait se marier avec un gars qui s'appelle Mesman, qui était du groupe de la chorale. Oui. On a fait la norme dans toute l'église. Mais derrière, Jérôme et Lucie forniquaient en cachette. Personne ne savait. Personne ne savait. Et pourtant, Jérôme, c'était un exemple parfait. Lucie était aussi un très bon. Bon, visuellement parlant. Oui. Mais elle n'est pas derrière, couchée comme le. Voilà. Donc, quand le mariage maintenant s'approchait, on faisait des cadeaux à Lucie. Parce que Lucie était connue dans toute l'église. Après, on voit le ventre pour Lucie enceinte. Le ventre poussé. Oui, le ventre poussé. Et on a découvert que Lucie est enceinte. Et Lucie était enceinte de Jérôme, le vice-président du groupe de la Coran. Oui. Et qui était vraiment un bon ami à Mesmin. Ça a créé normalement la haine entre Mesmin et Lucie. Et on a donc radié les deux autres dans l'église. Celui qui forniquait avec celui qui forniquait. Lucie et Jérôme, donc les deux forniquaient. Oui. On a chassé l'église totalement. Ils sont en train de continuer à avoir Dieu. Ils sont en train. Ils ont continué. Et du coup, ils ont cru que bon, c'est fini pour eux. Ils ont continué une fois. Ah, là, les deux ont continué une fois. Entre eux deux, ou bien chacun a continué de son côté. Non, entre eux. Et ils ont fait maintenant 8 enfants aujourd'hui. Les gars produisent des fruits. On a continué. Ils ne sont plus jamais passés à l'église, jusqu'au jour. Oui. Ah. Au moins, ils sont repentis, ils ont continué dans un autre groupe. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Mais c'était un grand choc. Parce que Lucie était vraiment un exemple. Et Jérôme aussi était un exemple. Vous voyez qu'avoir un bon comportement devant les gens n'est pas la vie de Christ, non. N'est pas nécessairement la vie de Christ. Et c'est justement lui qui conseille toujours, ne fais pas ça, ne fais pas forniquer, laissez-le. Il conseille tout ça. Toujours. Il est antifornique. Oui. La question. Qu'est-ce que ceci devait nous impliquer à nous comme exemple? Comment ça va former un peu bien la question? Non, vous voulez dire que quand on voit ces choses arriver, pour des gens qui vivent comme qui donnent l'exemple à nous-mêmes, à personnellement, qu'est-ce que ça te donne comme exemple? Qu'est-ce que tu dois faire de ta vie? La Bible déclare que celui qui est debout. Prends garde de pas tomber. Ouais. C'est pas la question dont on commence. Vous y êtes? Ouais. Luc. Luc, chapitre 8. Voilà à partir du verset 19. Vous y êtes? La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. » Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent, en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui il obéisse ?» Amen. Nous allons prendre le sujet, « Jésus est aux commandes. » Il dit, nous allons prendre le sujet Jésus au commandement. Ici, j'ai relu encore le verset 22. On dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Donc, c'est Jésus qui a donné le chemin. Mm-hmm. Celui qui a indiqué l'endroit où il doit partir. On est d'accord? Oui. Lorsqu'il indique, il semble ne pas avoir d'événement qui puisse, qui est des présages. C'est pas comme par exemple, tu vois l'orage de l'autre côté, tu dis que allons dans l'orage. Il n'y a pas ça. Ça se manifeste pas. Parce que le verset suivant dit, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit. Donc le tourbillon ne fondait pas encore sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient tempérés. Ziel. Donc, un, dans la direction de notre vie, Dieu peut nous faire passer vers un chemin où les choses vont susciter, qui semblent être négatifs, mais il veut passer, c'est lui qui nous fait passer par là. Dans le psaume 23, la Bible déclare que lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun. Parce que son bâton et sa houlette me rassurent. D'accord? Vous avez mon frère? Oui. Regardez, verset 3, verset 24. Ils s'approchaient et le réveillaient en disant, Maître, Maître, nous périssons. Qu'est-ce que les disciples devaient faire plus? Parce qu'ici se trouvent des gens qui étaient spécialistes de l'eau. Oui. Ça veut dire que ça devait être au degré où ça dépassait l'entendement. Oui. Parce que pour les gens qui ont le bâton, comme l'apôtre Pierre, spécialiste comme, les, comme l'apôtre Jean, et qui pêchait souvent, lancer le filet à haute mer, tirer le poisson et haut de là-bas, entrer souvent, il est souvent d'entrer dans l'eau pour tirer pendant que l'autre allait tirer. Ça veut dire qu'ici, la situation qui présageait devant eux était hors de leur hors du commun. Oui. Il veut qu'on observe quelque chose. Donc ce sont des gens qui étaient habitués à l'eau. Ce n'est pas quelqu'un qui, comme nous autres, nous n'avons pas nagé. On a peur que ça tombe là, on va se noyer. Ce sont des gens qui étaient habitués à l'eau. Donc ils partent en haute mer chercher le poisson souvent pour entrer en... Ici, on dit, ils s'approchaient et le réveillaient en disant, Maître, Maître, nous périssons. Je pose la question. Pendant que l'eau entrait dans la barre et qu'il y avait toutes ces choses-là, les tremblements qui arrivaient, tous les tremblements, Jésus n'était-il pas au courant? Mais on dit qu'il dormait. Qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre? Ou mieux, qu'est-ce que le Seigneur voulait leur faire comprendre? Ou bien pourquoi Jésus voulait leur faire passer par là, au juste, selon vous? Jésus peut leur montrer qu'il est au contrôle de tout, qu'il qui veille sur eux, ou bien... Non, mais là, ils dormaient. Ils n'avaient aucune conscience, ils ne savaient, ils ne pensaient pas que Jésus... Ils dormaient, mais franchement, ils ne dormaient pas. Et ils ne savaient pas, les disciples ne savaient pas qu'ils ne dormaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils voulaient, en fait, ils voulaient leur montrer qu'ils devaient être dépendants de lui. Ils voulaient leur montrer, c'est-à-dire que, on dit la dépendance. Tu ne peux rien sans lui. Alors, pourquoi ne pouvait-il pas dire que vous ne pouvez rien sans moi? Oui, il pourrait dire ça. Pourquoi? Pourquoi ne pouvait-il pas dire que je suis contre vous, ne vous inquiétez pas? Il n'allait pas croire. Il n'allait pas croire. Moi, je pense qu'il était question pour le Seigneur de les laisser sciemment dans les difficultés. Mm-hmm. Donc, vous voulez dire que la vie chrétienne n'est pas aussi rose que vous pensez. Oui. Vous voyez, dans votre chemin sera toujours parsemé d'embûches, mais vous n'allez pas périr. C'est-à-dire Jésus-Christ est au contrôle. Au commande, il est au commande de tout événement qui nous arrive. Vous voyez cela? Oh. C'est eux qui ont invité Jésus-Christ de passer par là, ou c'est Jésus-Christ qui lui aura dit, allons de l'autre côté. C'est Jésus qui leur a dit, allons de l'autre côté. Donc l'appel de Dieu à aller quelque part ne veut pas nécessairement dire que rien ne doit arriver. Mm. Quand Dieu t'envoie quelque part, s'il y a n'importe quoi qui arrive là-bas, Dieu est au commande. Mm. Donc ça veut dire que Dieu fait un chemin déjà. Absolument. Il fait un chemin. Oui. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit n'importe quoi, c'est ce que Dieu fait. Dieu joue avec nous. Il joue, on est dans, dans son film. Il dit que Dieu se fout de nous souvent. Il est au commande. Quand qui a dit à l'apôtre Paul qu'il va aller à Rome, n'est-ce pas lui qui a dit? Dans Actes des Apôtres, il vient au chapitre 23, verset 11, il vient lui-même se présenter à l'apôtre Paul. Il dit que prends courage. De même que tu as témoigné de moi dans cette vie, il faut que tu témoignes à Rome. Il ne dit pas, il ne lui dit pas ce qui va arriver à Rome. Ouais. Et le gars ne va pas en première classe. C'est pas les chaînes qu'on attrape. Ouais. Avec la ceinture, l'attache. On l'attache. Alors dans le bateau, maintenant, ça, quand ça ne fait pas sur le typhon, maintenant qu'ils font sur le bateau. La barque se sacouille parce que chacun nage seulement pour aller sur l'île de Marc. Mais le problème, c'est qu'ils doivent arriver à Rome. Ouais. Le contenu du message que Dieu lui a donné, que tu vas témoigner à Rome, il n'a pas dit que mais avant, tu vas chuter sur Malte. Tu vas nettoyer là-bas, le serpent va arriver sur ta main. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit ça. Dieu veut que nous marchions dans tout chemin qu'il nous indique par la foi. Que tout événement qui nous arrive, il est au courant, il a prévu même cela. Alors Dieu veut, par ses enseignements, c'est par cette épreuve-ci, leur apprendre la dépendance totale, la confiance totale, l'absolu abandon en sa toute puissance. Et donc, les difficultés qui nous arrivent souvent lorsque Dieu nous dirige sont souvent des difficultés pour pouvoir révéler la manifestation encore de Dieu dans nos vies. Parce que l'étonnement des disciples ici montre clairement qu'ils ont marché avec Jésus, ils ont vu qu'il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, mais ils n'ont pas encore vu l'autre aspect. Parce qu'ils vont poser la question à Dieu, ils vont se poser la question, qui est même celui-ci à qui obéissent même les vents. S'il lit Job 26 et Somme 107, il doit savoir effectivement que c'est de lui dont il est question là-bas. N'est-ce pas Jésus qui est le Seigneur? Si. C'est pas lui qui avait commandé que le ciel, que l'eau, les eaux de la, tous les eaux se rassemblent en un endroit et que le sec apparaisse. Si. Si quelqu'un qui a dit que le sec apparaît, comment on voit là? Qu'est-ce que le vent pour lui? N'est-ce pas lui qui est l'auteur de cela? N'est-ce pas juste qui est le créateur? Bon, là, il ne savait pas qui il était. Donc, au fur et à mesure, dans leur marche avec le Seigneur se révélait chaque fois. Puisqu'ils étaient étonnés chaque fois, ils m'ont dit le figuier, ça dit, mais, le figuier que tu as venu, oh, Lazare, sort, tout le monde est encore étonné. Avec Dieu, il y aura toujours d'étonnement en étonnement. Mais il est au contrôle de tout événement. Son ami intime, un malade, on veut lui dire que ton ami est malade, il reste encore deux jours attendre qu'il meure. Tu penses que c'est une bonne personne ici? Hein, mon frère? Non. Toi, en tant que tu me quand tu dis que quelle personne malade, si on te dit maintenant que ta femme est tombée, malade, tu quittes ici, tu pars rapidement, non? Lui, il reste lui tranquille, attend deux jours, il meurt bien. Pourquoi? Parce que l'événement qui va se passer durant ce moment-là, c'est sous son contrôle. Alors, continuons la lecture, verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Stop. Qu'est-ce qu'il demande au disciple ici, lui-même? Ben, il a demandé tout simplement, avez-vous oublié que je suis avec vous? Avez-vous oublié que je suis là? Est-ce que Jésus peut mourir avec toi dans les difficultés? Non. Aucune difficulté ne peut arriver qui peut faire mourir un enfant de Dieu. Jamais. Ouais. Mais frère, n'oublions pas une chose. Il ne faut pas quand même qu'on aille vite en besogne. Oui. Jésus était sur terre. Oui. Même les disciples avaient du mal à cerner justement la grandeur de Jésus. Justement. Sa dimension. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient avec Dieu. Juste ça, c'est qu'ils partent et qu'ils leur envoient le Saint-Esprit. Voilà, là, ils ont compris. Oui. Donc, nous sommes dans l'époque du Saint-Esprit, de la compréhension de toutes ces choses. Oui, nous sommes. Ouais, nous. Et ils ont vécu ces choses-là pour que nous ne vivons plus les choses à tâtonnement. Voilà. Nous sommes d'accord. Parce que s'ils savaient sans l'ombre d'un doute que c'était qu'ils étaient avec Dieu, mais attends, tu sais que Dieu est là, tu vas avoir peur. Puisque plus tard, avant la sortie de son ministère, il va commencer à leur parler du chemin, la vérité, la vie. Ouais. Et tu vas dire, moi, finalement, c'est tout à l'heure, montre-nous le Père et cela nous suffit. Voilà. Donc, depuis là, ils ne connaissaient pas. Donc, Jésus l'a justement dit que depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Ouais. Regardez que, ne crois-tu pas que le Père soit à moi? C'est les œuvres que je fais, c'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Mm-hmm. À partir de ce juste réglé pour eux. Ouais. Vous voyez? Alors, connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est la révélation. S'il ne décide pas de se révéler, tu vas monter, descendre, tu ne pourras pas avoir quoi que ce soit connaissant de lui. Mais ici, proprement dit, dans ce livre de Luc, chapitre 8, le verset 22 à 25, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, veut nous faire comprendre qu'il est aux commandes, que Jésus est aux commandes de tout événement qui arrive tout autour de ses disciples. Il est tout puissant, parce qu'ici, les disciples voient vraiment sa toute puissance. Ils sont tous étendus, ils sont étonnés de l'étendue de sa puissance, même sur les vents. Mais je veux qu'on réfléchisse encore sur la question de Jésus. Quand il finit de donner le haut silence, il dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Il menaça. Puis il leur dit, où est votre foi? Je veux qu'on voit deux aspects. Il y avait véritablement de la violence du tourbillon. Oui. Si ça frappait vraiment sur eux, ils pouvaient mourir. Oui. Mais Jésus dit, même jusque-là, vous devez avoir confiance. Puisque la Bible déclare que la barque s'est remplie, ce n'est pas quelque chose que ça venait pour effrayer. Ça entrait, l'eau entrait dans la barque. Parce que quand il y a le vent là-bas, ça comme l'eau tourbillonne en plein mer. Le bateau monte, quand ça descend, l'eau entre dedans. C'est ça ou c'est pas ça? Amène la chaise ici. L'eau entre dans la barque. L'eau entre dans la barque. Ils se font sortir deux litres. Yeah! Verse dehors. Quand il verse dehors, quand le prochain mouvement de vague, on a boum! 10 litres entre, ils enlèvent 5 litres, 15 entre. Ils ont vu que la solution ici, c'est crier à l'aide. Bon, autre chose, quand ils criaient à Jésus dans la barque, Jésus que c'était un pêcheur de poissons. Non. Là-bas, quand ils disent, maître, nous périssons. Pourquoi ils n'ont pas prié Dieu que notre Père qui est au ciel, comme nous l'avons appris, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Garde, faites te donner prier les péchés. Regarde, tu as péché. Non, sûr. Non, vas-y. Non, je veux juste dire parce que Jésus était visible et Dieu est visible. Donc, mais il veut dire qu'est-ce qu'il a dit quand il crie à l'aide à. Mais regardons ce qu'ils disent. Il s'approchait, verset 24, il s'approchait et le réveillait en disant mais nous périssons. Quand ils disent à Jésus nous périssons, ils attendent quoi de Jésus? Ils attendent quoi? Ou bien effectivement de voir Jésus que si c'est grave, comme tu dors là, Dieu, sache qu'on va mourir comme ça là, donc tu serais mieux sorti, on plonge dans l'eau. Dieu n'est pas sorti ça. C'est ça que sauf qui peut. Quand tu as fait dormir, alors qu'on a dû mourir. Voilà. Donc Dieu ne part aussi. Parce que même le report, quand Jésus va calmer le vent, ça va le trouver parce qu'il ne s'attendait pas à cela. Il croyait que Jésus était un être humain, tout simplement où les pouvoirs, peut-être son pouvoir sont limités ou bien finis. Jésus n'a pas de pouvoir limité. Il dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça devait régler le problème de la divinité. Même sa parole, cette parole montre que c'est la divinité de Jésus. Donc Dieu s'est dépouillé de tous ses pouvoirs. Il a dit, il n'a pas certains pouvoirs. Il a dit tout pouvoir. C'est par cette parole, Jésus révèle qui il est. La question n'est pas c'est donné par qui. Il dit qu'il est investi de toute l'autorité du ciel et de la terre. C'est ce qu'il dit. Pas que ça lui a été donné comme carole ici, mais donné quelque chose. Mais cette question peut être pertinente. Ce qu'il dit vient donner. Quelqu'un peut te poser. Oui, donnez ce donné. Ok, maintenant, là maintenant, on dit, Nous, il peut venir au Père si cela lui a été donné. Quand est-ce que ça t'a donné? Parce qu'on te donne que je dois prendre. Ça t'a donné comment? Le langage humain n'est pas le langage de Dieu. Donc, quand il dit tout pouvoir m'a été donné, ce n'est pas comme si quelqu'un dit que en vertu du pouvoir qui m'a été donné. Non, ce n'est pas comme cela. Ça veut dire qu'il est investi de tout pouvoir. Donc, ça veut dire que faites-moi confiance, allez, tout pouvoir, sachez que c'est moi qui règle tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Parce que si Dieu lui donne tout pouvoir, ça suppose que Dieu est resté sans pouvoir. Mais ça n'a pas de sens, pas forcément. Pas vrai? Mm-hmm. Parce qu'il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mm-hmm. Il dit allez. Dans ce matin, chapitre 18, il dit bien ça passe par là parce que c'est parce qu'on n'a pas parlé de la divinité Jésus. Je serai rentré dans tous ces enfers-là. Chaque fois, quand ça semble être comme s'il y avait deux personnes, il y a une explication claire. Parce qu'il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas dit certains pouvoirs. Que le Père m'a donné une partie de pouvoir, nanana, et tout pouvoir. Alors, vous devez admettre que si quelqu'un avait le pouvoir dans le ciel et qu'il a tout donné à Jésus, lui il est resté sans pouvoir. Donc, Dieu n'a plus de pouvoir. Alors, dans ce cas, il ne faut pas l'invoquer. Il faudrait ne pas l'invoquer. Donc, ça n'a pas de sens, d'accord? Alors, maintenant, ici, Jésus, notre Seigneur, voulait montrer donc sa toute puissance. C'est pour ça qu'il pousse les gens à partir dans les difficultés. Ouais. Numéro un, c'est lui qui leur a demandé de traverser. Les difficultés dans nos vies en tant que disciples, ce n'est pas nous qui les choisissons. C'est lui qui les impose dans nos vies. Un, deux, il ne nous avertit pas de ces difficultés, de la venue de ces difficultés. Il s'attend de la réaction, notre réaction vis-à-vis de ces difficultés en lui faisant confiance. Jésus-Christ est au contrôle et au commandement. Demandez que le Seigneur qui dormait là-bas dans son 121, la Bible déclare que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Donc la chair se couchait, mais il contrôlait tout l'univers. C'est choquant, n'est-ce pas? Alors, il lui pose la question, ici, au verset 25, puis il lui dit, où est votre foi? Après avoir demandé au vent de se calmer. Il dit, où est votre foi? Où est votre confiance? Pourquoi avez-vous eu peur? Après, il les a permis dans l'autre passage que les gens n'ont plus de foi. Alors, il dit, c'est le même passage, c'est dans le livre de Matthieu, hein? Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, toujours. Verset 23-27. Okay. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Voilà. Donc, ici maintenant, la spéculation que nous avons faite dans Luc est un peu plus claire ici. Donc, Luc a entendu le cri de détresse. Le cri de détresse n'est pas pour dire que nous allons périr ensemble. Il criait au salut par rapport au Seigneur Jésus. La question maintenant, c'est sur quoi ça... Parce que Jésus juste dormait. Oui. Et il n'est pas un nageur. Il n'est pas un pêcheur. C'est eux qui étaient les spécialistes des pêches. Humainement, c'est eux qui manipulaient les filets et autres. Lui, il était là, il bavardait. Que le royaume de Dieu semblait. Ah, le royaume de Dieu semblait, c'est tout ce qu'il savait faire. Mais c'est à lui qu'on va pour être sauvé. Ici, il dit, Maître, sauve-nous, périssons. Qu'est-ce qu'ils attendaient de Jésus? Qu'il les sauve. Qu'il les sauve. Comment devait-il les sauver dans ces circonstances? Bon, ben, il faut reconnaître que, ayant cheminé avec le Seigneur Jésus, il comprenait déjà petit à petit qui il est. C'est vrai qu'il n'avait pas la pleine connaissance. Du Seigneur Jésus, il ne savait pas qu'il était Dieu, mais il comprenait déjà petit à petit que cet homme n'est pas ordinaire. Ok, dans cette allusion, ce que je veux qui arrive. Verset 26. On a Tu as sauté, n'est-ce pas? On a fait voilà. 25, je pense. Oui, on a lu. Ok, 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? C'est quand même terrible, des choses qui se passent là-bas. Un, ils demandent au Seigneur Jésus de les sauver en criant. Parce que, même nous périssons. Jésus se lève, il les demande pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi. Dans les tourbillons, je ne peux pas avoir peur. Mais qu'est-ce qu'il attend donc? Ça veut dire qu'est-ce que Jésus veut nous faire enseigner pour, en tant que disciple dans des événements même les plus terribles? Qu'est-ce qu'il a de nous faire? Parce qu'il a posé la question, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourtant, il y a effectivement un événement qui puisse avoir peur. Parce qu'on dit, c'est le tourbillon. Le tourbillon, ce n'est pas les enfants de cœur. Et on dit, la barque se remplissait d'eau. Et Jésus espère que quelqu'un n'ait pas peur dans cet événement. en tant qu'être humain. Parce que tu prends ce jeune, dit que mon ami, on est sur la terre. Hein. Là, ils étaient en pleine mer. Tu es d'accord? Oui. Alors Jésus veut lui faire comprendre qu'en tant que ses disciples, rien, enfin, plusieurs fois dans la Bible, il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Mm-hmm. Comment tu vas faire dans un événement pour que ton cœur ne se trouble pas? Que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc aucun événement ne vient faire de telle sorte que tu aies peur. Parce que la peur, c'est la clé qui tue la foi, par lequel Satan passe pour tuer la foi. Frère Junior, oui. Je pense que pour celui qui a la conviction de son salut, oui. Si tu es sûr que tu es sauvé, si tu ne crois pas que tu es sauvé, c'est incroyable. Non, pas. Ça, ils étaient encore, ils ne savaient même rien. Ils ne comprenaient presque rien. Tu as même vu la différence entre eux maintenant et plus tard, quand on les chute. Voilà. Quand le Saint-Esprit est venu sur eux. C'est ce que je suis en train de dire. Dans le lieu de transition, c'est qui tranche le. Ce qui doit trancher véritablement dans un être humain, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, tu sais en quoi tu es, en quoi tu es. Regardez l'apôtre Pierre, lorsqu'on a attrapé Jésus. En tout cas, voilà. Quand tu vois la tête, tu as la tête des Galiléens, tu es avec lui, tu as la marche, on t'envoie derrière moi, mon ami. Passe ta route, hein. Une fois. Et une autre, tu sais rien, dit comment. Mais c'est pas toi, ton langage te fait connaître. Il dit, je dis, on se m'envoie derrière moi, ici là. Je ne connais même pas. Il y a là quelqu'un qui marche avec Jésus. Ouais. Il dit, je ne connais pas. Il n'a jamais entendu. Tu parles de Jéki. Son nom s'appelle comment? Jéki. Il ne connaît pas. Troisième fois, c'est même une servante qui vient. Il dit, mince. Tu as la porte, n'est-ce pas? Il t'avait vu un jour marcher avec lui. Il dit que. Yes, ma face est ma queue. Et puis ça fait. Christ s'est tourné, il a regardé comme ça. Là. Il a regardé cette personne. Et regardez l'autre, debout devant plus de 3000 personnes. Quand quelque chose s'est passé dans lui, il s'est levé. Il dit que vous avez tué le prince du salut. Vous avez tué le prince de paix. Vous avez rejeté le prince de paix. Et vous avez donné. Il parle comme ça devant les gens tombent comme ça. Le peureux au prédicateur par l'esprit. On l'a même fouetté là-bas. La Bible déclare qu'ils sont rentrés vers les siens. Ils étaient contents d'avoir été tapés pour le nom de Jésus. Alors qu'une femme l'avait effrayé en disant que tu es parmi eux. Donc la nature humaine aura toujours peur. Mais la nature du Saint-Esprit donnera toujours l'audacité de parler en faveur de Dieu, nonobstant les obstacles. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre à nous maintenant? Que, quelles qu'en soient les difficultés dans lesquelles nous traversons, avec lui, à côté de nous. Souvenez-nous, il est à côté de nous. Donc, on dit qu'il dormait, ça suppose qu'il était silencieux. Quand tu dors, tu es silencieux. Tu sembles ne pas faire de mouvements. Tu sembles ne pas être conscient de ce qui se passe. Or, dans Matthieu chapitre 28, si. Le verset 20, le Seigneur Jésus a dit que je suis avec vous. Il n'a pas dit je serai. Il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tu es à l'hôpital couché dans le lit du malade. Sache que quelqu'un se trouve à côté de toi en tant que disciple. C'est ce qu'il a promis. Nous sommes d'accord? Le docteur vient et t'annonce comme ça que ton cancer, c'est à la phase terminale, il n'y a rien à faire. C'est le docteur qui a dit ça. Celui qui est silencieux, qui dort à côté, qu'est-ce qu'il a dit? Touche quelqu'un, dit dans ce cas, il faut le réveiller. Dans ce cas, il faut le réveiller. Si je dis que si je dis dors, réveille-le. Si je dis dors, réveille-le. Pourquoi vous dites c'est ce que la Bible nous montre là. Quand il était couché là, en train de dormir, quand ils étaient en détresse, ils ont fait quoi? Ils ont réveillé que maître. Ouais. Tu dors, réveille-toi, nous périssons. Il s'est levé dans la voie, dit mais vous avez peur pourquoi? Ça n'est que si je dis que je pas, il va dire des craintes, point. Pourtant, on vient d'annoncer que ton cancer à face terminale. Le problème, ce sera ne crains point. Donc, l'être humain, la nature de l'être humain, la peur qui se trouve en tout qui est intrinsèque à notre être, avec notre environnement, est en déphasage avec la vie de l'esprit, parce que la vie de l'esprit regarde au-delà des difficultés. Amen. Mais regardez, vérifiez encore la parole du Seigneur Jésus. Pourquoi avez-vous peur? Comment ceci pouvait s'empêcher d'avoir peur? On dit que l'eau s'est remplissée de là-bas et ils savent. Quand ça fait comme ça, c'est pour que tu commences à voir ce que la science dit. Quand l'eau entre dans la base, vous allez naviguer par l'eau. Entrez un peu dans le bateau, vous allez regretter. La prochaine fois, vous allez se demander de prier qu'on arrive rapidement à terre. J'ai fait me baptiser l'autre jour. Oui, quand tu t'es baptisé. Il n'a pas encore vu la vidéo. Non. Tu as failli te noyer. Non, j'ai pris la vidéo, je n'ai pas encore vu. Quand j'ai fait me baptiser. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère. C'est bon, ça. Chacun partait seul oui. Et le frère Étienne le baptisait. Oui. Mais il a fallu que moi et un autre frère aillent secourir le frère Étienne pour que lui rentre dans l'eau et se baptise. Voilà. Il a vu l'eau, comment l'eau était face au salaire. J'ai parti déjà. Tu vois, j'ai un peu double. Non, c'est la peur. Alors, je lui dis que vous voyagez un peu dans la mer, vous allez enfumer. quand le vague vient, que souvent l'eau vient, la vague de l'eau dépasse même la hauteur même du bateau dans lequel vous êtes. Ça fait comme si vous êtes entré dans un trou. Et puis ça ressort comme ça, boum, à haute voix. Tes intestins, vous savez la sensation que vous êtes quand vous êtes dans l'ascenseur là. Ça fait comme ça violemment. Ça défend comme ça, bam, le temps que ça descend encore en bas. Une autre vague encore venir vous ramasser, boum, tout le monde. Tu entends seulement les gens qui vomissent dans le bateau. Quand ils voyageaient dans le bateau, c'était comme ça là. On allait distribuer le biscuit avec le jus. Quand je me voyageais toujours à jeune, ils ont donné quelque chose, ils n'ont pas regardé un nylon. Ils n'ont pas su pourquoi ils donnent le jus, ils donnent le biscuit, ils donnent le nylon. J'étais là juste à observer les vagues. Hein. J'entends seulement quand ils entendaient tout le monde avec le tout. C'est là que j'ai compris pourquoi on a donné le nylon là. Parce qu'ils savaient que c'est bas, ça barre là-bas. La femme qui était contre moi a rempli tout son nylon, ça se crie, il a dit encore mon nylon pour qu'elle remplisse. Wow. Donc voyager seulement, vous allez comprendre ce que Jésus a dit ici. Ça fait que vous allez devant vous, quand le vague est venu, la vague fait comme ça là. Vous êtes alerte, vous êtes minuscule comme ça là. Tu es sûr que cette vague là va couvrir tout le bateau. Ça fait vous, le bateau monte, waouh, le reste devient à l'intérieur. Et on dit ici que l'eau se remplissait dans la barre. Quand elle se remplit, ce sont les spécialistes du bateau là-bas. Pierre, Jean, fils des Zébédée, là-bas. Ce sont les gens qui manipulaient le bateau chaque fois. Et quand ça parle, ils savent d'après la recherche scientifique que si l'eau entre dans le bateau et que le bateau pèse, ça va vous faire se noyer. Et s'ils crient à l'aide, ça se pose qu'ils ont vu que le niveau ci, ce n'est pas le niveau qui vous va souvent à mer. Parce qu'on a dit que c'est un typhon ou bien un cyclone qui a fondu sur eux. Et quand on dit c'est le cyclone qui fond sur vous, le cyclone, ça vient en tourbillon. Donc ça tourne, vous savez, vous mettez l'eau dans une marmite, dans une nasse. Vous tournez l'eau comme ça, ça fait cette tour-là. Vous mettez quelque chose ici, comme ça, ça va continuer à tourner dans cette direction-là. Vous voyez cela? Donc ça veut dire que ça tourne sans plus le contrôle du gouvernail. Ça veut dire que le typhon peut t'amener n'importe où. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que nous savons jusqu'à l'heure de dire par pourquoi avez-vous eu peur? La question c'est, il s'attend à quoi dans ces circonstances malheureuses? Qu'est-ce que ça vous donne à vous? Ça de vous quel, dans quelles circonstances vous vous trouvez vous? Et qu'est-ce que nous savons vous attend là dans ces circonstances? D'avoir la foi. D'avoir la foi. Mais il a demandé où est partie votre foi. N'est-ce pas c'est toi qui cherchais le démon? Quand ils se rendent, ils disent, merde, mais le démon sont souvent dans non. Donc la foi du démon là est partie. Là-bas, ce n'est pas le démon, c'est la réalité. Ce n'était pas le film, ce n'est pas du rêve. Et si vous vivez l'expérience, alors quels sont les éléments de nos vies qui nous poussent à douter Dieu? La peur. Qu'est-ce qui implique cela? C'est la réalité et ce que nous avons déjà obtenu comme information scientifique ou bien comme réalité de notre environnement. C'est ça qui nous pousse à la peur. Parce que nous savons effectivement que si j'entre dans l'eau là, comme par exemple toi, tu te dis qu'on t'a baptisé, tu sais que la question c'est si j'entre dans l'eau. Si je suis sous l'eau, je ne sais pas nager, je vais pouvoir respirer, je serai mort noyé. Une information, il y a un Camerounais qui est dans mon noyé de l'autre côté. Voilà ça qui tue, c'est pour cela. Les autres personnes sont entrées dans l'eau, baptisées, c'est sorti, non? Oui. Les femmes baptisées, c'est sorti, non? Je croyais que j'avais pu remonter. Oui. Tu l'as attrapé comme ça. Il a fallu me marcher là. Il a fallu me marcher. C'est-à-dire que j'étais aussi en train de m'arrêter. Oui. Comme il pèse là, tu vois. Mais je ne sais pas si c'est la peur qui a fait que t'entraînes tout le monde, mais j'ai cru que j'allais... Vous vous êtes encore baptisé vous-même encore. Oui. Alors c'est cette peur-là. Tu as peur comme ça, ajouter un peu Manu Wata, un sinon qui passe par l'avant. Non, ne parle pas. Et tu te souviens. Il attrape tes pieds comme ça là. C'est que tu vas crier que sauvez-moi. Là, il t'attrape comme ça, tu entends sa voix, il dit que rejette Jésus, il te laisse. Tu fais quoi? La peur va prendre dessus. Hein. Tu vois, la peur va prendre dessus. Si j'étais dans ce constat, là, tu vas renier Jésus. Là, je viens plus réfléchir. Tu n'as plus réfléchi, c'est marqué. Il le renie même 4 fois, laisse-moi. Alors que cette circonstance-là, c'est la circonstance la meilleure pour être sûr que tu es sauvé. Et là tu si on te pointe là, si tu as le cœur de dire que je ne renie pas Jésus, quel que soit ce que tu as fait, si tu marques Jésus là. Parce que là, tu as témoigné ton parti. Tu pars directement chez lui sans transition. Alors, tu es chaud, si on te pointe là, tu vas dire ça. Mais c'est difficile, mon frère. Si tu as le cœur, C'est pour ça qu'il faut la circoncision. C'est pour ça qu'il faut la circoncision. C'est pour ça qu'il faut la circoncision du cœur. D'accord? Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous invite aujourd'hui à Stuttgart, à Munich, à Francfort, de lui faire confiance, quel qu'en soit ce qui arrive. Vous êtes en plein air. Le pilote dit que l'essence est finie ou bien que les turbines sont arrêtées. Qu'est-ce que tu peux faire? Ok, si tu as peur, tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Alors, dans ce cas, pourquoi avoir peur? N'est-ce pas lui qui la Bible déclare qu'il transporte les gens sur les ailes du vent? Ça veut dire que le vent là, il peut le transporter, il peut le transporter là-dessus, non? Oui. Ok. Le Seigneur Jésus nous enseigne aujourd'hui qu'il est aux commandes de tout événement. Mm-hmm. Jésus-Christ est aux commandes. Bonne journée. Bonne journée. Dieu vous bénisse. Amen.